Voyage sentimental de Stern, sixième partie et dernière partie, chapitre 43, le placé. Je ne voudrais pas, quand je vais implorer la protection de quelqu'un, que mon ennemi vit la situation de mon esprit. C'est cette raison qui fait que je suis ordinairement mon propre protecteur. Mais c'était par force que je m'adressais à M. le duc de C. Si c'eût été une action de choix, je ne l'aurais pas faite autrement, du moins à ce que je m'imagine, que toutes les autres. Combien de formes de placets de la tournure la plus basse ne me vinrent-elles pas dans l'idée pendant tout le chemin? Je méritais d'aller à la Bastille pour chacune de ces tournures. Arrivé à la rue de Versailles, je voulus m'occuper à rassembler des mots, des maximes. J'essayai de prendre des attitudes, des tons, pour tâcher de plaire à M. le duc. « Bon, disais-je, j'y suis, ceci fera l'affaire. » Lui, tout aussi bien qu'un habit qu'on lui aurait fait sans lui prendre la mesure. « Sot, continuai-je en m'apostrophant. Ne vous étudiez pas tant. Ce n'est pas en vous-même qu'il faut prendre ce que vous avez à dire. Voyez, monsieur le duc de C, observez son visage, vous y lirez son caractère, remarquez son attitude. Et le premier mot qu'il vous dira vous fera saisir le ton qu'il faut prendre. Vous composerez sur le champ votre harangue de l'assemblage de toutes ces choses. Elle ne pourra lui déplaire. C'est lui qui en aura fourni les ingrédients. Eh bien, dis-je, je voudrais déjà avoir fait le pas. Lâche à un homme n'est-il donc pas égal à un autre sur toute la surface du globe? Cela est ainsi dans un champ de bataille. Pourquoi cela ne serait-il pas de même, face à face, dans le cabinet? Croyez-moi, Yorick, un homme qui ne prend pas cette noble assurance se manque à lui-même, se dégrade et dément ses propres ressources. Si vous vous présentez au duc avec la crainte de la Bastille dans vos regards et sur toute votre physionomie, soyez assuré que vous serez renvoyé à Paris en moins d'une heure sous bonne escorte. Ma foi, dis-je, je le crois ainsi. Eh bien, j'irai au duc avec toute l'assurance et toute la gaieté possible. Vous vous égarez encore, me dis-je. Un cœur tranquille ne tombe pas dans des extrêmes. Il se possède toujours. À merveille, oh, c'est de cette dernière façon qu'il faut que je paraisse. Mon carrosse roulait alors dans les cours. Et quand il s'arrêta, je me trouvai, par la leçon que je venais de me donner, aussi calme qu'on peut l'être. Je ne montai l'escalier ni avec cet air craintif qu'ont les victimes de la justice, ni avec cette humeur vive et badine qui m'anime toujours quand je te vais voir, Lisette. Dès que je parus dans le salon, une personne vint au-devant de moi. Je ne sais si c'est le maître d'hôtel ou le valet de chambre. Peut-être était-ce quelque sous-secrétaire. Elle me dit que M. le duc de C travaillait. J'ignore, lui dis-je, comment il faut s'y prendre pour obtenir audience. Je suis étranger, et ce qui est encore pis dans la conjoncture des affaires présentes, c'est que je suis anglais. Elle me répondit que cette circonstance ne rendait pas la chose plus difficile. Je lui fis une légère inclination. « Monsieur, lui dis-je, ce que j'ai à communiquer à monsieur le duc est fort important. » Il regarda aussitôt de côté et d'autre, pour voir apparemment s'il n'y avait personne qui pût en avertir le ministre. Je retournais à lui. « Je ne veux pas, monsieur, lui dis-je, causer ici de méprise. Ce n'est pas pour monsieur le duc que l'affaire dont j'ai à lui parler est importante. C'est pour moi. »« Oh, c'est une autre affaire, dit-il. »« Non, monsieur, repris, je suis sûr que c'est la même chose que pour monsieur le duc. Cependant, je le priai de me dire quand je pourrais avoir accès. « Dans 2 heures, dit-il. » Le nombre des équipages qui étaient dans la cour semblait justifier ce calcul. Que faire pendant ce temps? Se promener en long et en large dans une salle d'audience ne me paraissait pas un passe-temps fort agréable. Je descendis et j'ordonnai au cocher de me mener au cadran bleu. mais tel est mon destin. Il est rare que j'aille à l'endroit que je me propose. Chapitre 44. Le petit pâté. Je n'étais pas à moitié chemin de l'auberge qu'une autre idée que celle d'y aller me vint à l'esprit. Je tirai le cordon et je dis au cocher de me promener par les rues pour voir la ville. « Cela sera bientôt fait, ajoutai-je, car je suppose qu'elle n'est pas grande. »« Elle n'est pas grande, pardonnez-moi, monsieur, elle est fort grande et même fort belle. La plupart des seigneurs y ont des hôtels. »« Oh, oh !» À ce mot d'hôtel, je me rappelai tout à coup le comte de B, dont le libraire m'avait tant dit de bien. « Et pourquoi n'irais-je pas chez un homme qui a une si haute idée des livres anglais ?» et des Anglais même. Je raconterai mon aventure, et peut-être... Je changerai donc d'avis une seconde fois. Bien compté même, c'est la troisième. J'avais eu d'abord envie d'aller chez Madame de R, rue des Saints-Pères. J'avais chargé sa femme de chambre de l'en avertir, mais ce n'est pas moi qui règle les circonstances. Ce sont les circonstances qui me gouvernent. J'aperçus de l'autre côté de la rue un homme qui portait un panier et paraissait avoir quelque chose à vendre. Je dis à la fleur d'aller lui demander où demeurait le comte de B. La fleur revint précipitamment et avec un air qui peignait la surprise. Il me dit que c'était un chevalier de Saint-Louis qui vendait des petits pâtés. « Quel comte ? » lui dis-je. « Cela est impossible. Je ne puis, monsieur, vous expliquer la raison de ce que j'ai vu. Mais cela est, j'ai vu la croix et le ruban attachés à la boutonnière. » J'ai jeté les yeux sur le panier et j'ai vu ces petits pâtés. Mais il y en a trop pour qu'ils ne soient pas à vendre. Un tel revers dans la vie d'un homme réveille dans une âme sensible un autre principe que la curiosité. Je l'examinai quelque temps de dedans mon carrosse. Plus je l'examinais, plus je le voyais avec sa croix et son panier. Et plus mon esprit et mon cœur s'échauffaient. Je descendis de la voiture et je dirigeai mes pas vers lui. Il était entouré d'un tablier blanc qui tombait au-dessus de ses genoux. Sa croix pendait au-dessus de sa veste. Son panier rempli de petits pâtés était couvert d'une serviette ouvrée. Il y en avait une autre au fond. Et tout cela était si propre que l'on pouvait acheter ces petits pâtés, aussi bien par appétit que par sentiment. Il ne les offrait à personne, mais il se tenait tranquille dans l'encoignure d'un hôtel, dans l'espoir qu'on viendrait les prendre. Il était âgé d'environ 50 ans, d'une physionomie calme, mais un peu grave. Cela ne me surprit pas. Je m'adressai au panier plutôt qu'à lui. Je levai la serviette et pris un petit pâté, en le priant d'un air touché de m'expliquer cet étrange phénomène. Il me dit en peu de mots qu'il avait passé sa jeunesse au service, et qu'il avait obtenu une compagnie et la croix. Mais qu'ayant été réformé après la précédente guerre, il n'avait pu avoir d'emploi dans celle-ci, et qu'il se trouvait dans le monde sans amis, sans argent et sans autre bien que sa croix. Il me faisait pitié, mais il gagna mon estime en achevant ce qu'il avait à me dire. Le roi est un prince aussi bon que généreux, mais il ne peut récompenser ni soulager tout le monde. Mon malheur est de me trouver de ce nombre. Je suis marié. Ma femme que j'aime et qui m'aime a cru pouvoir mettre à profit le petit talent qu'elle a de faire de la pâtisserie, et j'ai pensé, moi, qu'il n'y avait point de déshonneur à nous préserver tous deux des horreurs de la disette en vendant ce qu'elle fait. Je priverais les âmes sensibles d'un plaisir si je ne leur racontais pas ce qui arriva à ce pauvre chevalier de Saint-Louis, 8 ou 9 mois après. Il se tenait ordinairement près de la grille du château. Il fut remarqué par plusieurs personnes qui eurent la même curiosité que moi, et il leur raconta la même histoire avec la même modestie qu'il me l'avait racontée. Le roi en fut informé. Il sut que c'était un brave officier qui avait eu l'estime de tout son corps, et il lui donna une pension de 1500 livres. Aimable bienfaisance! Sur quel cœur n'as-tu pas des droits? Je n'ai jamais raconté ce trait qu'il n'ait fait verser des larmes de sensibilité. Peuple heureux, heureux souverain. Chapitre 45. L'épée. Je fus aussi vivement touché d'une histoire qui arriva à Rennes, pendant le temps que j'y étais. Je ne sais point quelles étaient les causes qui avaient insensiblement ruiné la maison D, en Bretagne. Le marquis D avait lutté avec beaucoup de fermeté contre les adversités de la fortune. Il avait encore montré avec quelque éclat ce qu'avaient été ses ancêtres. Mais il se trouva enfin forcé de se condamner à l'obscurité. À peine avait-il de quoi vivre. Ses deux fils semblaient lui demander quelque chose de plus que le pur soutien de la vie, et il croyait qu'il méritait un meilleur sort. Il avait essayé de la voie des armes, mais inutilement. Pour les avancer dans cette carrière, il fallait faire les dépenses qui étaient au-dessus de ses moyens. Le peu de bien qui lui restait exigeait l'économie la plus exacte. Il n'y avait donc pour lui qu'une ressource, et c'était le commerce. Mais n'était-ce pas flétrir pour toujours la racine du petit arbre que son orgueil et son affection voulaient voir refleurir? Heureusement que la Bretagne a conservé le privilège de secouer le joug de ce préjugé. Il s'en servit. Les États étaient assemblés à Rennes. Suivi un jour de ses deux fils, il parut au théâtre et fit valoir, avec dignité, la faveur d'une ancienne loi du duché qui, quoique rarement réclamée, n'en subsistait pas moins dans toute sa force. Il ôta son épée de son côté. « La voici, dit-il, prenez-la. Soyez-en les dépositaires jusqu'à ce qu'une meilleure fortune me mette en état de la reprendre et de m'en servir avec honneur. » Le président accepta l'épée. Le marquis la vit déposée dans les archives de sa maison et se retira. Il s'embarqua le lendemain avec toute sa famille pour la Martinique. Une application assidue au commerce pendant 19 ou 20 ans et quelques legs inattendus de branches éloignées de sa maison lui rendirent de quoi soutenir sa noblesse, et il revint chez lui pour réclamer son épée. J'eus le bonheur de me retrouver à Rennes le jour de cet événement solennel. C'est ainsi que je l'appelle. Quel autre nom pourrait lui donner un voyageur sentimental? Malheur à ceux pour qui ces scènes sont indifférentes. Le marquis, tenant par la main une épouse respectable, parut avec modestie au milieu de l'assemblée. Son fils aîné conduisait sa sœur. Le cadet était à côté de sa mère. Un mouchoir cachait les larmes de ce bon père. Le silence le plus profond régnait dans toute l'assemblée. Le marquis remit sa femme aux soins de son fils cadet et de sa fille, et avança 6 pas vers le président, et lui redemanda son épée. On la lui rendit. Il ne l'eut pas si tôt qu'il la retira presque tout entière hors du fourreau. C'était la face brillante d'un ami qu'il avait perdu de vue depuis quelque temps. Il l'examina attentivement, comme pour s'assurer que c'était la même. Il aperçut un peu de rouille vers la pointe. Il la porta plus près de ses yeux, et je vis tomber une larme sur l'endroit rouillé. « Je trouverai, dit-il, quelque autre moyen pour l'ôter. » Il la remit dans le fourreau, remercia ceux qui en avaient été les dépositaires, et se retira avec son épouse, sa fille et ses deux fils. Je lui enviai ses sensations. Chapitre 46. Moyen de se nommer. J'entrai chez monsieur le comte de B, sans essuyer la moindre difficulté. Il feuilletait les ouvrages de Shakespeare qui étaient sur son secrétaire, et je lui fis juger par mes regards que je les connaissais. « Je suis venu, lui dis-je, sans introducteur, parce que je savais que je trouverais dans votre cabinet un ami qui m'introduirait auprès de vous. Le voilà, c'est le grand Shakespeare, mon divin compatriote. Esprit sublime, m'écriai-je, fais-moi cet honneur-là. » Le comte sourit de la singularité de cette manière de se présenter. Il s'aperçut à mon air pâle que je ne me portais pas bien et me pria aussitôt de m'asseoir. J'obéis, et pour lui épargner des conjectures sur une visite qui n'était certainement pas faite dans les règles ordinaires, je lui racontai naïvement ce qui m'était arrivé chez le libraire, et comment cela m'avait enhardi à venir le trouver plutôt que tout autre, pour lui faire part du petit embarras où je m'étais plongé. « Quel est votre embarras ? » me dit-il avec un air d'inquiétude. Je lui dis de quoi il s'agissait. « Mon hôte, ajoutai-je, monsieur le comte, m'assure qu'on me mettra à la Bastille. Et vous craignez que cela vous arrive ?»« Je ne crains rien, lui dis-je, je suis au milieu du peuple le plus poli de l'univers, et ma conscience me dit que je suis intègre. Je ne suis point venu pour jouer ici le rôle d'espion, ni pour y observer les ornements ou la nudité de la terre, et les Français sont trop honnêtes et trop généreux pour me faire du mal. Le comte rougit et rit de mon discours. « Ne craignez rien, dit-il. Moi ? Non, monsieur. D'ailleurs, je suis venu en riant depuis Londres jusqu'à Paris, et je ne crois pas que monsieur le duc de C soit assez ennemi de la joie pour me renvoyer en pleurs. « Je me suis adressé à vous, monsieur le comte, ajoutai-je en lui faisant une profonde inclination, pour vous engager à le prier de ne pas faire cet acte de cruauté. Le comte m'écoutait avec un grand air de bonté. Sans cela, j'aurais moins parlé. Il s'écria une ou deux fois, « Cela est bien dit. » Cependant, la chose en resta là, et je ne voulus plus en parler. Il changea même de discours. Nous parlâmes de choses indifférentes, de livres, de nouvelles, de politique, des hommes, et puis des femmes. « Que Dieu bénisse tout le beau sexe, lui dis-je. Personne ne l'aime plus que moi. Après tous les faibles que j'ai vus aux femmes et toutes les satires que j'ai lues contre elles, je les aime encore. Je suis fermement persuadé qu'un homme qui n'a pas une espèce d'affection pour elles toutes n'en peut pas aimer une seule comme il le doit. « Eh bien, monsieur l'anglais, me dit gaiement le comte, voyons, vous n'êtes pas venu ici, dites-vous, pour espionner les ornements ou la nudité de la terre, ni celle de nos femmes, apparemment. Mais si par hasard vous en trouviez quelqu'une sur votre chemin qui se présentasse ainsi à vos yeux, dites-moi, la vue de ces objets vous effraierait-elle ? Il y a quelque chose en moi qui se révolte à la moindre idée indécente. Je me suis souvent efforcé de surmonter cette répugnance, et ce n'est qu'avec beaucoup de peine que j'ai hasardé de dire dans un cercle de femmes des choses dont je n'aurais pas osé risquer une seule dans le tête-à-tête. M'eût-elle conduit au bonheur ? Excusez-moi, monsieur le comte, lui dis-je. Si un pays aussi florissant ne m'offrait qu'une terre nue, je jetterais les yeux dessus, en pleurant. Pour ce qui est de la nudité des femmes, continuai-je en rougissant de l'idée qu'il avait excitée en moi, j'observe si scrupuleusement l'Évangile, je m'attendris tellement sur leur toilette, que si j'en trouvais dans cet état, je les couvrirais d'un manteau, pourvu que je susse comment il faudrait m'y prendre. Mais je l'avoue, je voudrais bien voir la nudité de leur cœur, et tâcher, à travers les différents déguisements des coutumes, du climat, de la religion et des mœurs, de modeler le mien sur ce qu'il y a de bon. C'est pour cela, monsieur le comte, que je suis venu à Paris, et que je n'ai pas encore été voir le Palais-Royal, le Luxembourg, la façade du Louvre. Je n'ai point acheté le catalogue des tableaux, des statues, des églises. Tout être humain est un temple pour moi, et j'aimerais mieux y distinguer les traits originaux, les légers coups de pinceau qui s'y trouvent, que de voir le fameux tableau de la Transfiguration de Raphaël. L'envie de connaître les hommes m'amène en France et me conduira probablement plus loin. C'est un voyage tranquille que le cœur fait à la poursuite de la nature et des sensations qu'elle fait éprouver, et qui nous porte à nous entraîner un peu mieux que nous ne faisons. Monsieur le comte me dit des choses fort polies à ce sujet. Mais à propos, continua-t-il, savez-vous, monsieur, ce que je suis fâché contre Shakespeare ? De ce qu'en me faisant faire connaissance avec vous, il ne m'a point dit qui vous étiez. Il est si rempli de ses vastes idées qu'il a oublié de vous nommer. Et vous voilà dans la nécessité de vous nommer vous-même. Rien ne m'embarrasse plus que d'être obligé de dire qui je suis. Je parle plus aisément d'un autre que de moi-même. Et quand je suis forcé d'en dire quelque chose, je souhaite toujours pouvoir le faire en un seul mot. Je crois qu'on n'a jamais assez tôt fini quand on parle de soi. J'ai ici une fort belle occasion d'être laconique sur mon compte. Shakespeare était sous mes yeux. Je me souvins que mon nom était dans la tragédie d'Hamlet. Je cherchais la fameuse et ridicule scène des fossoyeurs au cinquième acte, et posant le doigt sur le nom d'Yorick, Monsieur le comte regardait, eh bien, je vois qu'il y a là Yorick, précisément, et Yorick c'est moi. Il importe peu de savoir si la réalité de ma personne avait effacé ou non de l'esprit du comte l'idée du squelette du pauvre Yorick, ou par quelle magie il se trompa de 7 ou 8 siècles. Les Français conçoivent mieux qu'ils ne combinent. Rien ne m'étonne dans ce monde, et encore moins ces espèces de méprises. Je me suis avisé de faire quelques volumes de sermons bons ou mauvais, et un de nos évêques, dont je révère d'ailleurs la candeur et la piété, me disait un jour qu'il n'avait pas la patience de feuilleter des sermons qui avaient été composés par le bouffon du roi de Danemark. Mais monseigneur, lui dis-je, il y a 2 Yorick. Le Yorick dont vous parlez est mort et enseveli il y a 8 siècles. Il fleurissait à la cour d'Orwandilus. L'autre Yorick n'a brillé dans aucune cour, et c'est moi qui le suis. Il secoua la tête. Mon Dieu, monseigneur, ajoutai-je, vous voudriez donc me faire penser que vous pourriez confondre Alexandre le Grand avec l'Alexandre dont parle saint Paul, et qui n'était qu'un chaudronnier? Je ne sais, dit-il, mais n'est-ce donc pas le même? Ah, si le roi de Macédoine, lui dis-je, monseigneur, pouvait vous donner un meilleur évêché, je suis bien sûr que vous sauriez le distinguer de l'artisan qui augmenterait la batterie de votre cuisine. Le comte de B tomba dans la même erreur. « Vous êtes Yorick ? S'écria-t-il. « Oui, je le suis. « Vous ? « Oui, moi-même. « Bon Dieu, dit-il en m'embrassant, c'est Yorick. » Il mit aussitôt le volume de Shakespeare dans sa poche et me laissa seul dans son cabinet. Fin de la première partie.